franceinter.com. Oui, qui a vraiment obtenu la libération de deux pilotes français abattus fin août 1995 au cours d'une mission de bombardement sur la République serbe de Bosnie? La question fait débat depuis cette libération acquise en décembre de la même année, après quelques semaines de captivité. Elle a déchaîné des querelles fratricides au sein même des services secrets français. Elle a révélé des pratiques douteuses et mises en lumière les agissements d'hommes de l'ombre qui, curieusement, se sont aussi trouvés être au même moment les acteurs de l'Angola Gate, ce scandale de fourniture d'armes à l'Angola via des intermédiaires français. Y a-t-il un rapport entre les deux affaires et à quel prix ces mêmes personnages, s'ils sont vraiment les libérateurs de nos pilotes, ont-ils rempli leur mission? Enfin, il est difficile d'oublier que cet épisode des pilotes français est intervenu tout juste 6 semaines après les massacres de Srebrenica, où quelques 10 000 Bosniaques musulmans ont été exécutés par les troupes serbes du général Mladic, malgré la protection qui leur avait été promise par les grandes puissances et les instances internationales. Mladic, un criminel de guerre qui, grâce à de mystérieuses protections, continue à défier la justice internationale, à moins qu'au nom d'intérêts supérieurs, on préfère éviter d'avoir à l'arrêter. Monsieur X revient sur toutes ces questions troublantes dans un instant. Vous savez que j'ai horreur de me répéter, mais aujourd'hui, je vais y être obligé. Car on ne peut pas comprendre cette affaire très embrouillée des deux pilotes français sans remonter au drame de Srebrenica, et plus exactement au secret de Srebrenica. C'est-à-dire, alors ? Eh bien, officiellement, en tout cas, on n'a jamais réellement expliqué pourquoi on a laissé tomber les Bosniaques musulmans de Srebrenica et pourquoi on les a laissés massacrer par les Soudards de Mladic. Et là, vous mettez en cause les forces internationales présentes. Hein ? Et donc les gouvernements qui les avaient envoyés là-bas. Oui. Car si ces troupes étaient sous commandement de l'ONU, on sait très bien qu'en dernier ressort, elles obéissent in fine aux autorités de leur pays d'origine. Et vous pensez donc alors qu'il faut relier la tragédie de Srebrenica et cette affaire des pilotes ? Oui, parce qu'on y retrouve le même homme, le général Mladic. Et c'est lui qui va être le principal personnage. Bon, n'allons pas trop vite. Je vous propose donc de revenir sur les événements de Srebrenica, même si nous en avons longuement parlé il y a quelques années. Oui, en 2004, si je me souviens bien. Ouais. La Bosnie. Herzégovine, rappelons-le, a toujours regroupé trois catégories d'habitants. Des Bosniaques musulmans, des Croates et des Serbes. Mais attention, il ne s'agit pas d'ethnie. Tous sont des Slaves qui parlent une seule et même langue, le serbo-croate, à quelques variations près. Alors c'est donc à tort qu'on a parlé de purification ethnique ? On aurait dû au contraire parler d'une purification culturelle. Bon, enfin, passons. Fin 1991, à l'instar des autres républiques de la Fédération yougoslave, la Bosnie déclare son indépendance. Une indépendance confirmée par un référendum auquel les Serbes bosniaques refusent de participer. Parce qu'ils entendent créer une république serbe de Bosnie. Ouais. La guerre est donc inévitable. Hein. Oui, parce que pour les Serbes de Bosnie, ce référendum est un casus belli. Milosevic, président de la fédération et les dirigeants nationalistes serbes, considèrent en effet que partout où il y a un cimetière serbe, eh ben la terre est serbe. Et dès le début du mois d'avril 1992, le siège de Sarajevo commence. Un siège qui durera plus de 3 ans. Et en même temps, l'armée et les milices serbes attaquent un peu partout. À tel point que 3 mois après les débuts des hostilités, ils contrôleront plus des 2/3 de la Bosnie. Il est évident que c'est Slobodan Milosevic qui tire les ficelles. Et Karadzic, le président de la République serbe de Bosnie, et le général Mladic opèrent de conserve avec le maître de Belgrade. Et Srebrenica, alors ? C'est une petite ville de 8000 habitants. Elle est située en Bosnie orientale, près de la rivière Drina, qui est la frontière naturelle entre la Bosnie et la Serbie. Et tant à Pale, la capitale de la République serbe de Bosnie, qu'à Belgrade, on considère que la ville et sa région appartiennent de facto à l'entité serbe. C'est donc une sorte d'enclave en territoire bosno-serbe. Dès le début des hostilités, des miliciens chassent sans ménagement les habitants qui ne sont pas serbes. Les Bosniaques musulmans sont tués et leurs maisons sont incendiées ou dynamitées. Il n'en reste sur place qu'un peu plus de 350 habitants. Sur 8000 ? Oui, mais un mois plus tard, les Bosniaques prennent leur revanche et chassent les Serbes. La conséquence, c'est que les habitants musulmans de la région, terrorisés, viennent trouver refuge dans la ville reconquise. Et Srebrenica va bientôt compter 40 000 habitants. Et les Serbes, alors, comment réagissent-ils ? Ils assiègent la ville et ses environs immédiats. Et assez vite, la situation des habitants deviendra intenable, car les convois humanitaires ne pourront franchir les lignes serbes que 8 mois après le début du siège. Il faut aussi dire que des combats se poursuivent un peu partout sur le territoire de la République et que la purification ethnique, continuons à l'appeler ainsi malgré tout, se traduit par la création de camps d'internement où les détenus sont affamés et maltraités. Les casques bleus sont d'abord intervenus pour s'interposer entre Croates et Serbes. Alors, et en Bosnie ? La communauté internationale ne peut pas ignorer ce qui se passe là-bas. Et la FORPRONU va être amenée à agir. Mais auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU, sans doute troublé par les photos de ces prisonniers des camps d'internement, a décidé la création d'un tribunal pénal international pour les exactions commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Et c'est une première depuis Nuremberg et les procès des dirigeants nazis. Oui. En même temps, un plan de paix est proposé, prévoyant la démilitarisation de Sarajevo et le découpage de la Bosnie en 10 provinces. Il est repoussé à la fois par les Bosniaques musulmans et serbes. Et pendant ce temps-là, la guerre continue, toujours aussi atroce. Après avoir subi quelques revers au début 1993, les Serbes du général Mladic accentuent leur pression sur Srebrenica, où se trouvent maintenant près de 60 000 réfugiés. Et c'est là que que va intervenir le général français Morillon. Hein. Exactement. Mm. Philippe Morillon est alors le commandant de la Fort Prenu en Bosnie-Herzégovine. Devant le danger qui menace l'enclave de Srebrenica, il se rend dans la ville. Les habitants qui s'attendent au pire le prennent d'abord en otage, lui et ses casques bleus. Ouais, des boucliers humains, quoi. En quelque sorte. Mais le général français parvient à retourner la population. Et c'est cette fameuse scène... Ah, oui, son discours à la foule alors qu'il est juché sur un blindé. Oui, oui, ouais. Personne n'a oublié. Morillon déchaîne l'enthousiasme de ces bosniaques musulmans quand il leur promet qu'il ne les abandonnera jamais et qu'ils se trouvent désormais sous la protection de l'ONU. Mais en même temps, il déclare que Srebrenica sera une zone démilitarisée et il demande aux combattants de rendre leurs armes. Ce que les Bosniaques acceptent. Ah, ils ont confiance et ils sont persuadés que l'ONU saura les protéger. Donc le général Morillon s'engage. Hein. Effectivement. Mais connaît-il vraiment les dangers que courent tous ces gens? Absolument. Il savait que des massacres se produiraient à Srebrenica et si les troupes de Mladic s'emparaient de la ville. Alors en promettant la sécurité là, à tous ces réfugiés, Morillon était-il assuré que l'ONU serait capable de les protéger? Bref, n'a-t-il pas péché par imprudence? Ah ben, ce n'est pas à moi de juger Morillon. Enfin, vous avez raison, on peut s'interroger, mais voyons la suite. Un mois après le spectaculaire discours de Morillon, l'ONU conforte sa position en décrétant que Srebrenica est désormais une zone de sécurité. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Srebrenica et ses environs sont considérés comme une zone démilitarisée et un cessez-le-feu est signé. Les Bosniaques musulmans, comme ils s'y sont engagés, désarment. Et un contingent de casques bleus canadiens entre dans la ville. Mais il faut bien insister sur ce point. La résolution de l'ONU ne prévoit aucun moyen de coercition contre les troupes de Mladic, au cas où celui-ci ne respecterait pas la zone de sécurité de Srebrenica. Or, Mladic n'a aucune intention de desserrer la pression qu'il exerce sur la ville. Alors, vous en parlez, là, c'est donc une sorte de marché de dupes. Assurément. On demande simplement aux musulmans d'avoir une confiance aveugle dans l'ONU. Mais sans garantie, hein. À l'instar de Srebrenica, l'ONU crée plusieurs autres zones de sécurité. Et la plupart du temps, à l'exception de Sarajevo, ce sont des enclaves où vont être envoyés des casques bleus. À Srebrenica, après les Canadiens, ce seront les Hollandais qui assureront le respect du cessez-le-feu. Combien, là? 350 hommes, je crois. C'est peu, non? Bien sûr. Ce contingent sera incapable de protéger la ville si Mladic décide de passer à l'action. Et tout au long de l'année 94, on assistera à de nombreuses tentatives d'intrusion. À Srebrenica et aussi dans les autres zones de sécurité. Il veut donc défier l'ONU. Alors. Parfaitement. Ouais, et souvenez-vous de ce qui se passe à Sarajevo. Les Serbes continuent à bombarder la ville et ne manquent jamais une occasion d'humilier les casques bleus en contrôlant les routes, en bloquant le passage de leurs convois, par exemple. Dès lors, on peut s'attendre à ce que l'année 1995 soit particulièrement sanglante. Rendez-vous avec X. Revenons un tout petit peu en arrière. En 1993, un Français, le général Cotte, est nommé à la tête de la Fort Prenu. C'est un homme à poigne qui entend que l'ONU soit enfin respectée dans l'ex-Yougoslavie. Voici ce que je lis dans l'ouvrage d'Hubert Coudurier, « Le monde selon Chirac », paru en 1998 chez Kalman Levy. Pour la première fois, un militaire issu d'un des pays membres du Conseil de sécurité prend les choses en main. Son objectif ? Bousculer l'ONU, qui maintient les soldats de la paix dans la position de spectateurs impuissants, tandis que les Serbes multiplient les provocations. Faisant fi de l'attitude habituelle des Nations Unies, neutralité, consensus et pas de recours à la force, le général français au langage cru et aux méthodes directes indispose rapidement le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Boutros-Ghali, déjà agacé par les foucades du général Morillon, dont la presse bosniaque a fait un héros. L'écho médiatique qu'a reçu l'intervention de ce dernier dans la poche de Srebrenica a également déplu à ses supérieurs hiérarchiques, en particulier François Léotard, qui le juge incontrôlable. En 1995, la situation devient en effet de plus en plus menaçante en Bosnie-Herzégovine, et particulièrement dans ces enclaves rebaptisées « zones de sécurité ». Le commandant du contingent hollandais de Srebrenica, le colonel Karmans, envoie à plusieurs reprises des rapports très alarmistes au commandant en chef de la Fort-Pronu. Mais, et c'est très étrange, ces rapports ne seraient jamais parvenus à l'état-major des casques bleus. Ah, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Je crois que dès cette époque, c'est-à-dire dans les premiers mois de 1995, on a déjà décidé de changer de politique vis-à-vis des zones de sécurité. Un détail important, à partir du mois de mars, c'est un général français, le général Janvier, qui va commander la Fort-Pronu. Avec des pouvoirs renforcés, d'ailleurs. Mais pourquoi vous insistez sur ce point-là ? Parce qu'on a souvent accusé les militaires français d'être plutôt favorables aux Serbes. Ça alimentera de nombreux soupçons. Au mois de mai 1995, une rencontre secrète se déroule à l'ONU en marge de la réunion du Conseil de sécurité. Le général Janvier a fait le déplacement. Il est très inquiet. Oui, pourquoi alors ? Le mandat de l'ONU n'a pas prévu explicitement l'emploi de la force, sauf bien sûr si les casques bleus sont directement attaqués par l'une ou l'autre des parties. En outre, les casques bleus n'ont certainement pas les moyens de s'opposer à une attaque d'envergure des Serbes contre les musulmans bosniaques, sauf à demander l'intervention de l'aviation. Ce que voudrait donc Janvier, c'est que les casques bleus se retirent purement et simplement ou abandonnent les secteurs les plus dangereux. Et donc les zones de sécurité. En effet. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU en décide autrement. Les contingents de l'ONU doivent demeurer sur place. Mais, décision regrettable, on n'envisage pas de renforcer les moyens dont les casques bleus disposent. Une décision mi-chèvre, mi-chou, donc. Oui, pourtant, au même moment, il s'est passé des faits très graves en Bosnie. Les hommes de Mladic récupèrent leurs armes lourdes qui étaient placées sous le contrôle des casques bleus. L'OTAN riposte en bombardant un dépôt de munitions des bosno-serbes près de leur capitale, Pale. Mais les troupes de Mladic se vengent en bombardant à leur tour les zones de sécurité et en faisant des dizaines de morts. Puis ils s'emparent fin mai de plusieurs centaines de casques bleus et parmi eux, il y a beaucoup de Français. Des casques bleus otages. Les images complaisamment diffusées par la télévision serbe de ces militaires prisonniers attachés à des poteaux brandissant des drapeaux blancs fixés sur des manches à balai sont une véritable humiliation pour la Fort-Pronu et surtout pour la France. Mais qu'entendent faire les Serbes de ces casques bleus otages ? Ils veulent s'en servir comme bouclier humain. Quoi ? Pour éviter d'autres attaques aériennes ? C'est évident. C'est à l'initiative de la France que les pays membres de l'OTAN décident alors la création d'une force de réaction rapide. Mais la priorité pour le commandant de la Fort-Pronu, c'est d'abord de récupérer ses hommes qui sont aux mains des Serbes. Ça me paraît normal, non ? Cependant, on est là devant l'un des aspects les plus mystérieux et les plus secrets de toute cette dramatique affaire. Le général Janvier a-t-il, oui ou non, négocié avec Mladic pour obtenir la libération des otages ? Et si oui, qu'a-t-il offert en échange au général serbe ? Autre question, s'il a vraiment négocié, l'a-t-il fait avec l'accord de Paris ? C'est-à-dire sans informer l'ONU qui lui avait pourtant confié son mandat de commandant de la Fort-Pronu. À votre avis ? Une seule chose est certaine, le général Janvier a bien rencontré Mladic. Et un autre général serbe, Peričić, qui représente Slobodan Milošević. On sait même que la rencontre a eu lieu début juin dans un hôtel situé à la frontière serbe. Oui, d'accord, mais que s'est-il dit ? Mladic a fait trois propositions. Premièrement, il s'est engagé à ne plus menacer les casques bleus. Deuxièmement, il a exigé que la Fort-Pronu renonce aux frappes aériennes sur le territoire de la République serbe de Serbie. Troisièmement, il a annoncé en contrepartie son intention de libérer les casques bleus prisonniers. Réaction du général français, Janvier hein. Il affirme qu'il a pris note, mais qu'il n'a rien signé. Toutefois, on ne peut s'empêcher d'observer que les casques bleus vont être libérés dans la quinzaine qui suivra cette entrevue. Enfin, et c'est sans doute le plus grave, quand les soldats de Mladic attaqueront Srebrenica, un mois plus tard, le général Janvier refusera toute attaque aérienne sur les troupes serbes. Or, seule une intervention de ce type aurait pu sauver les réfugiés de Srebrenica du massacre. Il aurait donc agi, le général Janvier, il aurait donc agi comme s'il respectait les termes de l'accord proposé par Mladic. Avouez que c'est bien troublant, non? D'autant que dès la mi-juin 1995, des avions espions, américains bien sûr, repèrent des regroupements de chars et de troupes à proximité de l'enclave de Srebrenica. On note aussi, dans les derniers jours du mois de juin, des incursions serbes dans la zone de sécurité. Le 6 juillet, à l'aube, les bombardements commencent sur la zone de Srebrenica. Puis c'est l'attaque au sol. Réaction des casques bleus, là. Leur commandant hollandais des casques bleus, le colonel Karmans, demande aussitôt à l'état-major de la Fort Pronu un appui aérien. Mais il essuie un refus. Quoi qu'il en soit, l'offensive serbe se poursuit. Et les troupes de Mladic s'emparent d'une importante position au sud de la zone de sécurité. Karmans demande à nouveau l'intervention de l'aviation de l'OTAN. Second refus. Alors même que les positions des casques bleus sont directement visées par les assaillants serbes. Mais comment expliquer la passivité de l'état-major onusien? Je pense qu'on n'a pas pris la mesure du danger qui pèse sur les réfugiés de Srebrenica. D'autre part, le commandement onusien avait sans doute peur d'être obligé de s'engager dans un combat frontal avec les Serbes. Ah ouais. Alors mieux valait sacrifier les Bosniaques musulmans de Srebrenica. C'est malheureusement possible. La progression serbe est très rapide. Et l'armée yougoslave, celle de Milosevic, apporte un soutien important aux unités de Mladic. Ce qui prouve à nouveau la connivence qui existe entre les Serbes de Bosnie et ceux de Belgrade. Bien évidemment. C'est pourquoi le président yougoslave est aussi responsable des massacres de Srebrenica. 4 jours après le début de l'offensive serbe, le 6 juillet, la ville est prise. Karmans, le colonel hollandais, a encore plusieurs fois demandé une intervention aérienne. Mais à chaque fois, le commandant de la Fort Pronu, le général Janvier, a refusé. Ouais. Mais avec quels arguments alors? La peur de mettre en danger les casques bleus hollandais, dont une vingtaine a déjà été capturée par les Serbes. Les massacres peuvent donc commencer. Dans l'affolement qui suit l'entrée des troupes serbes dans la zone de sécurité, quelques milliers de musulmans préfèrent la fuite à travers les bois. On apprendra plus tard que beaucoup ont été massacrés. Et aujourd'hui encore, on compte des milliers de disparus. Et les autres alors? Ils se réfugient près du casernement du bataillon hollandais, et même à l'intérieur. On y comptera plus de 30 000 personnes terrorisées. Auparavant, les Bosniaques musulmans, qui disposaient encore d'armes, ont fait officiellement leur reddition en présence du général Mladic et du colonel hollandais. Jusque-là, les musulmans qui n'ont pas fui pouvaient penser que... peuvent penser en tout cas que ça se passe pas trop mal. Oui, Mladic a dit que c'était une grande fête pour le peuple serbe à qui il offrait Srebrenica. Et en même temps, il s'est efforcé de rassurer les Bosniaques. On a même vu ce jour-là Karimans, le colonel hollandais, trinquer avec le général serbe. Mais dès qu'arrive le soir, les choses se gâtent. C'est-à-dire alors... Les Serbes commencent à trier la population. D'un côté, les hommes, entre 14 et 70 ans. De l'autre, les femmes, les enfants et les vieillards. Et comment justifient-ils ce tri? Ils affirment qu'ils veulent séparer les hommes en état de combattre des autres. Et dès cette première nuit, on assiste à des exécutions et aussi à des scènes de torture. Et les casques bleus laissent faire? Oui. Mais pouvaient-ils faire autrement? Je ne sais pas. Et qu'advient-il des hommes, là? Ils partent, en colonne, en pleine nuit, vers un hameau censé être un point de regroupement. Dans un premier temps, les Serbes les laissent passer. Mais dès qu'ils se sont un peu éloignés, les hommes de Mladic passent à l'action et commencent à les tuer systématiquement. Un vrai carnage. Et les femmes, là, les enfants, les vieillards Dès le lendemain, filmés par la télévision serbe, ils montent dans des bus et des camions, non sans que Mladic lui-même, toujours sous l'œil des caméras, leur ait offert chocolat et friandises. Mais dès que photographes et caméramans sont partis, les exactions commencent. Tous les passagers sont dépouillés de leurs biens et des femmes sont violées. Et encore une fois, les casques bleus hollandais sont témoins de certaines de ces horreurs. Et quelques-uns d'entre eux donnent un coup de main aux Serbes pour rechercher et arrêter les hommes qui se cachent encore à Srebrenica, dans le casernement onusien. Ouais, là, c'est plus de la passivité, c'est de la collaboration. Plus tard, pour leur défense, ils affirmeront qu'ils étaient persuadés que les Serbes allaient respecter les lois de la guerre. Et combien de musulmans ont-ils été assassinés par les Serbes de Mladic? On estime qu'en 5 jours, près de 10 000 personnes ont été exterminées et ensuite hâtivement enterrées dans des fosses communes. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Plus tard, le procureur du tribunal pénal international présentera des preuves décrivant des scènes d'une violence inouïe. Je cite. Des milliers d'hommes ont été exécutés et inhumés dans des fosses communes, des centaines enterrés vivants, des hommes et des femmes mutilés et abattus, des enfants tués sous les yeux de leur mère, un grand-père obligé de manger le foie de son petit-fils. Des images véritablement surgies de l'enfer, écrites sur les pages les plus noires de l'histoire de l'humanité. Est-ce que la nouvelle de ces massacres est rapidement connue ? Oui. Il y a d'abord les survivants qui ont réussi à fuir et parlent de ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi des observations aériennes qui permettent de repérer les fosses communes et les charniers. Donc, assez vite, on peut prendre la mesure de la gravité de l'événement. Ça signifie que les Serbes n'ont rien fait pour dissimuler ces atrocités ? Pas grand-chose, en tout cas. Et avouez que c'était difficile. Mais, à mon avis, ça doit aussi faire partie de leur plan. Parce qu'ils entendent terroriser la population musulmane des autres zones de sécurité, et plus généralement de la Bosnie tout entière. Alors comment réagit la communauté internationale ? Elle est d'abord incrédule. Mais peu à peu, il faut voir la vérité en face. L'un des premiers à réagir est le délégué de l'ONU pour les droits de l'homme en Yougoslavie, le Polonais Tadeusz Mazowiecki. Il démissionne immédiatement parce qu'il ne veut plus, dit-il, participer à un processus fictif de défense des droits de l'homme. Ouais. Autre conséquence ? Aux États-Unis, la réaction est très vive. Et chez nous, alors ? À Paris, on s'est enfin décidé à taper du poing sur la table. Ça va se traduire par l'envoi d'une délégation de 3 officiers supérieurs de l'OTAN. Un Français, un Britannique et un Américain auprès du général Mladic. Cette fois, le ton est ferme. Pas question de trinquer avec le bourreau de Srebrenica. Et c'est un véritable ultimatum que les 3 officiers délivrent à Mladic. Toute nouvelle provocation sera suivie d'une riposte militaire immédiate. L'OTAN n'acceptera pas que d'autres zones de sécurité soient attaquées. Et sur le terrain, alors ? Au mois d'août, la force de réaction rapide entre en jeu et desserre enfin l'étau dans lequel vivait Sarajevo depuis presque 3 ans. En même temps, les Américains lancent une série d'attaques aériennes qui vont durer une bonne quinzaine de jours et obligeront les Serbes à abandonner leur position au-dessus de Sarajevo. Et donc l'objectif, c'est d'amener à degré ou de force les Serbes à la table de négociation, hein, c'est bien ça ? Oui, et les Serbes vont y être d'autant plus enclins qu'ils doivent faire face à une offensive croate et bosniaque dans la région de la Krajina, qu'ils avaient conquise au tout début de la guerre. Pour être parfaitement impartial, il me faut souligner que cette conquête donne lieu à de nombreuses exactions sur les Serbes qui fuient par milliers vers la mère patrie. Vengeance ? Naturellement. Après Srebrenica, on pouvait craindre le pire. Et ce qui ne manque pas de sel, c'est Milosevic lui-même qui demandera aux Américains de peser de tout leur poids pour mettre fin à l'offensive des Croates et des Bosniaques. Ce que fera Washington ? Bien entendu. Je vous l'ai dit, les Occidentaux veulent en terminer. Et ça fait longtemps qu'ils ont leur plan. Et qui alors ? Un partage de la Bosnie, seul susceptible, selon eux, de mettre fin au conflit. Bon, soyons lucides, pour appliquer ce plan qui sera bientôt signé à Dayton, Srebrenica pesait très peu. Et d'abord parce qu'il était prévu que cette enclave adossée à la frontière de la Serbie reviendrait forcément à la République serbe de Bosnie. Vous voulez dire que Srebrenica était condamné avant même les massacres et l'offensive de Mladic, hein ? Alors qui sont les vrais responsables ? Ce sont d'abord les bourreaux, Mladic et le président Karadzic. Oui, mais 2 hommes qui ont été inculpés depuis par le tribunal pénal international, et dont l'un court toujours. On en reparlera dans notre prochain entretien. Les responsables ? Ensuite, les casques bleus hollandais présents à Srebrenica. N'y revenons pas. Toutefois, je dois quand même à la vérité de dire qu'une commission d'historiens les a partiellement exonérés en 2000. Alors, les autres responsabilités, enfin, les vraies, si j'ose dire. Il y a d'abord les Français. Rappelons-le encore une fois, c'est un général français, Philippe Morillon, qui avait promis aux Bosniaques musulmans qu'ils ne seraient jamais abandonnés. Oui, c'est un général qui opérait alors sous l'uniforme onusien. C'est vrai, mais cela explique en partie la faillite de la Forprenu. Les militaires qui servaient sous cet uniforme n'agissaient jamais sans en référer à leur hiérarchie nationale. Ouais. Mais l'initiative de Morillon, n'était-elle pas personnelle ? On le lit. C'est pourquoi, pardonnez-moi l'expression, il s'est fait ensuite sérieusement engueuler par Paris. Et l'incident a laissé des traces. Son successeur, le général Janvier, lui, se gardera bien d'agir de sa propre initiative. Alors, par conséquent, si je vous suis bien, quand il a refusé les frappes aériennes, c'était avec l'accord du ministère français de la Défense. Oh, j'en suis certain. Et pourquoi alors? Paris ne voulait pas envenimer les choses. Paris, mais aussi Washington et Londres. Je vous l'ai dit, l'objectif, c'était d'aboutir à un accord de partage de la Bosnie-Herzégovine. Partage qui interviendra officiellement avec les accords de Dayton, qui deviendra définitif en décembre 1995, après leur signature à Paris. Un accord qui a reconnu l'existence de la République serbe de Bosnie dirigée par Karadzic. Et ça a été une sorte de prime accordée aux bourreaux. On n'a pas eu peur de considérer Milosevic et ses compères Karadzic et Mladic comme des partenaires légitimes dans le processus de paix. Alors même que les deux derniers étaient déjà inculpés de génocide et crimes de guerre contre l'humanité par le TPI de La Haye. Et on leur accordait de régner sur une moitié du territoire bosniaque, l'autre moitié étant administrée par une fédération croato-musulmane. Mais revenons aux responsabilités. Ouais, celle des Occidentaux me paraît écrasante. Vous avez raison. Mais je vais aller encore plus loin. Assez cyniquement, les Occidentaux ont fermé les yeux quand les opérations militaires servaient leur plan de partage de la Bosnie-Herzégovine. Oui, si je vous ai bien entendu, la Srebrenica, comme les autres enclaves, était une entrave à l'application de ce plan. C'est certain. Et dans une certaine mesure, la purification ethnique a favorisé les objectifs des Occidentaux qui voulaient aboutir au dessein d'une république serbe de Bosnie homogène. De la même façon, ils ont laissé faire et même aider indirectement bosniaques et croates dans leur tentative de reconquête de la Krajina. Pourquoi ? Parce que ainsi, la fédération croato-musulmane serait en possession de la moitié du territoire bosniaque, comme il l'avait prévu. Tout cela me semble personnellement quand même particulièrement révoltant. Ce partage arrangeait donc tout le monde ? Sans doute, parce qu'il permettait de mettre fin à ce conflit d'un autre âge au cœur de l'Europe. Mais est-ce que ça valait la peine de passer par profits et pertes une bonne dizaine de milliers de vies humaines ? Il y a quand même une autre question, là. Est-ce que les massacres étaient prévisibles ? Je vous ai donné mon sentiment. On ne pouvait guère se faire d'illusions sur les méthodes qu'allait employer Mladic. Ensuite, il y a eu cette obsession récurrente des chefs de la Forprenu. Il ne fallait surtout pas mettre en danger les casques bleus. Leur protection était une priorité absolue. C'est pourquoi, afin de les sauver, on a sacrifié les réfugiés de la zone de sécurité de Srebrenica. C'est quand même parfaitement paradoxal, parce que si ces casques bleus étaient présents sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, c'était d'abord pour préserver la paix et donc protéger les habitants. Vous avez raison. L'histoire de la Forprenu est complètement absurde. Quant à l'initiative de la France, on a créé la force de réaction rapide. C'était d'abord pour protéger les casques bleus. Oui, protéger les protecteurs, en somme. C'est juste. Je n'ai pas encore fini de passer en revue toutes les responsabilités. Ce que je vais vous dire vous étonnera sans doute, mais les Bosniaques musulmans aussi sont coupables. Et qui alors Le gouvernement du président Izetbegović. Alors là, il faut qu'il m'explique. Bien entendu. Izetbegović était un réaliste. Et il avait compris depuis longtemps qu'on ne reviendrait jamais aux temps anciens où les trois nationalités présentes en Bosnie, c'est-à-dire les musulmans, les croates et les serbes, vivaient en bonne intelligence. Il savait aussi que le nationalisme serbe ne renoncerait jamais à ses ambitions. C'est-à-dire de créer une grande Serbie. Et dans ce but de créer une république serbe en Bosnie. Alors, ce réaliste s'est dit que seul un plan de partage de son pays pourrait mettre fin à la guerre. Il était donc sur la même ligne que les Occidentaux. Je le pense. Même s'il ne le disait pas et continuait à réclamer la libération totale de la Bosnie. Attendez, c'est très grave là ce que vous dites, parce que ça signifie que le président Izetbegović était lui aussi décidé à lâcher Srebrenica. Oui, il suffit de regarder une carte. Srebrenica et l'autre enclave de Zepa étaient tout près de la frontière serbe. Si les Serbes de Bosnie arrivaient au terme d'un accord de partage à constituer un territoire homogène, ah, il était évident que ces deux zones tomberaient obligatoirement dans le giron des Serbes. Ouais. Izetbegović aurait donc lui aussi, en somme, trahi les siens. Je le pense. Mais pouvez-vous le prouver ? J'observe d'abord que pendant les deux années qui ont séparé la première prise de Srebrenica par Mladic et la deuxième en 1995, le gouvernement de Sarajevo n'a pas fait beaucoup d'efforts pour assurer la défense de la petite ville. Mais il avait fort affaire à Sarajevo même. Hein. Mais Izetbegović savait parfaitement que l'enclave n'était défendue que par 350 casques bleus. Comme il savait aussi, connaissant les grandes lignes du plan de partage, qu'il avait lui-même secrètement approuvé que les Occidentaux ne mettraient guère de zèle à défendre une enclave destinée à devenir serbe à 100%. Mmh. Izetbegović aurait donc, par réalisme, c'est bien ça, hein, abandonné à leur sort ses compatriotes de Srebrenica? Oui. Et comme vous demandiez une preuve, je vais vous en donner une. 3 mois avant la chute de Srebrenica, le gouvernement de Sarajevo a rappelé l'homme qui commandait la défense de la petite ville. Et il n'a pas quitté Srebrenica tout seul. 18 de ses officiers l'ont accompagné. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ? Je voudrais emprunter la conclusion de cet entretien à Nicolas Poincaré, mon confrère de France Info. Voici ce qu'il écrit dans une postface au livre « Srebrenica 1995, l'été d'une agonie, des femmes témoignent », publié en 2000 par les éditions Arte. Srebrenica, c'est le dernier grand massacre de la guerre en Bosnie, mais c'est beaucoup plus que cela. L'épisode le plus tragique de cette guerre a définitivement scellé l'échec de l'Europe et des Nations Unies. Un fiasco total puisque l'ONU n'a pas seulement assisté sans réagir à l'extermination de près de 10 000 personnes, l'ONU porte également une responsabilité directe. La ville, en effet, avait été démilitarisée en 1993 et les Bosniaques avaient accepté de rendre leurs armes en échange de la protection de la Fort-Pronu. Samedi prochain, nous reparlerons donc des événements qui ont immédiatement suivi la tragédie de Srebrenica, c'est-à-dire les bombardements de la force d'action rapide au cours desquels 2 pilotes français abattus ont été capturés et retenus prisonniers par le criminel de guerre Mladic, qui n'acceptera de les libérer qu'au bout d'une longue et très étrange négociation. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Et je vous signale de Sylvie Maton un ouvrage en rapport avec ce programme, Srebrenica, un génocide annoncé, chez Flammarion. Et puis un autre livre qui n'a rien à voir, mais c'est un recueil de nouvelles signé Gilles Perrault chez Fayard. Les amateurs d'espionnage retrouveront dans certaines nouvelles l'auteur de l'Orchestre Rouge ou du Dossier 51, mais dans d'autres, le lecteur renouera avec la tendresse et la fraîcheur du garçon aux yeux gris. Peut-être au fond, le vrai Perrault. Rebecca de Nantes, comme d'habitude, a préparé cette émission. Michel Billou l'a réalisé, Monsieur Djoub l'a mise en musique. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou, c'est toujours vert.